Document 2, page 34. 1. Julie, tu peux venir chez moi samedi soir ? Volontiers, Claire, pourquoi ? Pour faire la fête. Alors je viens avec mon mari. 2. Paul, tu es libre samedi soir ? Ah non, désolé, je dois aller chez mes parents, je dîne avec eux. C'est dommage. 3. Gaëlle, je fais une petite fête samedi soir, tu veux venir ? Je regrette, mais je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que ma fille est malade, je dois rester avec elle. 4. Lucas, qu'est-ce que tu fais samedi ? Je vais peut-être regarder le match à la télé. Pourquoi ? Parce que je veux inviter des amis. Tu peux venir ? Avec plaisir.